Un mouvement qui reste aujourd'hui encore l'une des dernières grandes manifestations de défense des acquis sociaux face à l'offensive néolibérale. Ce n'est rien de moins qu'une certaine idée du service public, de l'État social et de la démocratie que le mouvement tous ensemble a défendu au cours de cet automne 95. 20 ans plus tard, Alain Juppé s'est lancé dans la course à la présidentielle, droit dans ses bottes, dominant les sondages pour la primaire de son camp, offrant l'image d'un homme apaisé, renouant avec une idée de la fonction présidentielle qui tranche avec celle des deux derniers présidents. Probablement est-ce là son principal atout. Mais les Français ont-ils la mémoire si courte? Les échos de 95 s'inviteront-ils dans les résultats de la primaire? Premier élément de réponse, dimanche. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les grandes grèves de 95 et un visage, bien que nous soyons à la radio, un visage familier comme invité aujourd'hui, Bernard Thibault. Bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013. Les Français vous connaissent bien et vous avez été de facto l'un des acteurs majeurs de cette histoire, précisant que vous étiez à la tête de la Fédération des Cheminots. À l'époque, tout à fait. Pas encore numéro un de la CGT. Vous pensez qu'il y a eu un rapport de cause à effet direct dans votre carrière de syndicaliste? Oui, non, c'est évident. Ah, lorsque c'est la évident, question, ouais. Quelques temps après, s'est posée de savoir qui était susceptible de pouvoir prendre le relais de Louis Vianney, qui avait fait savoir qu'il arrêterait à la fin de son mandat. Bon, je dirais assez naturellement, les regards se sont tournés vers moi, compte tenu de la place que j'avais occupée dans cette mobilisation. Je pense que la dimension médiatique aussi a pu contribuer à rendre le responsable davantage connu et reconnu. Et d'aucuns se sont dit, voilà, on a là... On en tient. On a le profil idoine pour envisager... j'étais naturellement à cette époque absolument pas préparé à cette perspective, mais il a fallu que je m'y fasse. Alors, à l'époque, vous êtes donc secrétaire général de la Fédération des Cheminots, qui joue un rôle essentiel dans ce mouvement, parce qu'ils sont unis d'emblée. Est-ce que cette union annonçait l'union syndicale qui allait être le ciment des mouvements de 95, même si la CFDT a joué une partition un peu différente? Oui, c'est une des dimensions qui a énormément compté dans cette mobilisation. Et d'ailleurs, vous avez très bien résumé dans ce laps de temps relativement court pour évoquer un mois complet de mobilisation avec de multiples événements. Enfin, votre résumé est tout à fait fidèle à ce qui s'est passé. Une des caractéristiques que n'a pas du tout perçu le gouvernement à l'époque, c'était l'unité qui prévalait chez les syndicats de cheminots et depuis des années à propos de l'avenir de l'entreprise. De l'avenir de l'entreprise et du statut. Plusieurs syndicats de cheminots qui ont leurs différences, mais qui sont attachés historiquement à cette notion de service public. Et nous nous approchons de l'échéance. 95, c'est à la fois l'élection de Jacques Chirac, vous l'avez rappelé. Au passage, ça permet de relativiser le fait selon lequel, d'après certains experts, il n'y a jamais de grands mouvements sociaux juste après des élections politiques. 95 montre le contraire. Absolument. Et notamment par le fait que lorsque des dirigeants tiennent un discours pour une campagne et que peu de temps après ils tournent le dos à leur discours de campagne, il se peut, ça n'est pas automatique, mais il se peut que le peuple se révolte et dise non, on n'a pas voté pour ça. Donc c'était très c'était à la fois social, mais politique. Oui, ce conflit était politique. La question du service public, comme l'enjeu autour de la sécurité sociale. On fête l'anniversaire de la sécurité sociale, qui est née juste après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je siège à l'Organisation internationale du travail. 73% de la population mondiale n'a pas de système de protection sociale dans le monde. 73% de la population mondiale. Il faut bien savoir qu'avec notre sécurité sociale, et malgré ses affaiblissements, malgré les critiques, nous demeurons une des références au monde en termes de système de protection sociale. Qu'un gouvernement ignore combien ça participe à façonner une société, ça représente un pilier, pas uniquement social, mais un élément du vivre ensemble dans une société que d'assurer ce type de protection sociale, ça a été une sous-estimation de sa part. Ce que je voulais indiquer, c'est que dans les leviers qui ont compté, il y a donc cette unité cheminote et des organisations de cheminots. Parce que nous arrivons à cette période de 95 aussi à la question de savoir ce qu'on va faire de la SNCF, qui est particulièrement endettée, parce qu'on lui a demandé de construire des TGV, sans que l'État mette la main au pot, en quelque sorte. Mmh. Autrement dit, on est sur un scénario qui nous prépare la fermeture de 6000 km de lignes, donc là on touche à cette question récurrente du service public, et nous publions d'ailleurs, comme élément de connaissance auprès du public, une carte des prévisions de la SNCF qui supprime presque un tiers du réseau national. Et des zones entières, comme la Bretagne, le Massif central, voient la carte du ferroviaire complètement désertée. Il y avait ça dans les esprits, en 95. Ah oui, le premier motif de mobilisation des cheminots, le 15 novembre, là aussi, concours de circonstances, parfois les événements sont le fruit de concours de circonstances. Ouais. Le jour où le Premier ministre, vous avez réutilisé la séquence, monte à l'Assemblée nationale pour annoncer le plan Juppé sur la sécurité sociale, nous sommes, pour ce qui nous concerne, déjà réunis en Conseil national pour décider de la grève à partir du 24 novembre sur des revendications professionnelles. Nous ignorons à ce moment-là encore la dimension retraite, la dimension remise. Oui. Voilà. Et je me souviens d'ailleurs avoir envoyé un de nos responsables écouter son intervention à la télévision pour rendre compte immédiatement à notre Conseil national. Ça n'a fait qu'ajouter à la colère, naturellement. D'où la détermination, et une détermination unitaire, qui a beaucoup compté dans la mesure où, là aussi vous l'avez rappelé, au niveau des confédérations, il y avait différents points de vue, notamment une divergence avec la CFDT, Nicole Notat soutenait ouvertement, explicitement le plan Juppé, les deux autres principales confédérations, CGT et FO, les contestaient. Ce qui nous a permis de tenir, c'est aussi l'unité de la profession, puisque le contexte syndical était à l'unité des 7 fédérations professionnelles. Alors, deux leçons peut-être à tirer de tout cela. La première, sur la façon dont ça s'est fait, quasi en catimini, sans que les syndicats soient associés, ce qui a dû effectivement en ajouter à la colère et à la réaction épidermique, quelque part aussi. Est-ce que vous prenez, vous, une société sociale, une organisation du travail et de la vie sociale qui soit plus en partenariat? Alors vous allez me dire oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut travailler comme ça? Parce qu'on dit toujours la France, on n'arrive pas à la réformer, on fait une réforme, tout le monde est dans la rue, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut pas changer notre logiciel social? Mais parce qu'on se refuse à débattre des contenus des réformes. Donc, avant qu'elles soient présentées. Ben oui, on fait comme si il y avait systématiquement une opposition de principe. Mais c'est le sens qui est contesté. Or, nous sommes, je dis nous, parce que je pense que ça n'a pas forcément changé, au-delà des majorités, entre parenthèses. Réformer le Code du travail, pourquoi pas? Mais quel est le sens de la réforme du Code du travail? Est-ce que c'est pour conforter? Un Code du travail, par définition, a toujours été fait pour protéger les salariés dans le rapport de subordination. Il n'a jamais été fait pour servir les besoins des entreprises. Il y a d'autres mécanismes qui sont là pour servir les besoins, les aspirations, les revendications des entreprises. Or, on demande aujourd'hui à des salariés de se mettre dans la situation du co-actionnaire de l'entreprise. Un Code du travail, il n'a pas cette vertu-là. Donc, je retrouve, et pas simplement chez nous, je suis en contact à cette Organisation internationale du travail avec des syndicalistes du monde entier, partout on vit le même phénomène. Alors, comment expliquez-vous que plus les phénomènes sont importants, ou grave même, parfois, moins l'audience des syndicats est forte, en tout cas en France. Comment expliquez-vous la baisse d'audience des syndicats dans un contexte où précisément on aurait vraiment besoin d'eux ? Il y a plusieurs facteurs. Je note tout d'abord qu'il n'y a pas un seul pays où le mouvement syndical soit en développement. Objectivement, c'est le cas sur tous les continents. C'est très lié, principalement, je crois, à la précarité au travail aujourd'hui. Un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de contrat de travail. Il n'y a pas d'heure de travail. Il n'y a pas de niveau de rémunération fixé à l'avance. Il n'y a pas de conditions de travail. Il n'y a donc pas d'accident du travail. Il n'y a pas de cotisation à la sécurité sociale. Un sur deux n'a pas de retraite. Comment voulez-vous vous organiser pour faire valoir des droits qui n'existent même pas sur un papier qui s'appelle contrat de travail ? Et au-delà de ceux qui n'ont pas de contrat, parmi ceux qui en ont, la précarité grandissante dans l'emploi est un phénomène récurrent qui pose d'ailleurs la question de la réglementation mondiale du travail. Va-t-on vers un environnement économique international fait de déréglementation au point de ne plus avoir aucun encadrement des conditions faites au travail, ou au contraire, à l'européenne, je dirais, va-t-on vers une mondialisation économique qui va faire de la régulation sociale un élément incontournable des échanges internationaux ? Parce que pour l'instant, on est dans une logique de rémunération du capital plus forte que celle du travail, c'est ça ? C'est une évidence, tous les rapports internationaux en témoignent, et ce qui est aberrant de constater, c'est que dans cette période où la masse des richesses potentiellement créées compte tenu des évolutions techniques, scientifiques, des connaissances humaines n'a jamais été aussi importante, que le sort fait concrètement, matériellement, à ceux qui sont à la production, se dégrade. Il y a là un paradoxe qui est, de mon point de vue, intenable. Donc, il faut absolument, et j'en reviens à la situation française, puisque la France fait partie des pays, en termes de droits sociaux, qui servent de repères à l'échelle internationale. Non pas de modèle, ce serait prétentieux et ce serait une erreur que de prétendre vouloir transposer nos mécanismes de droit dans d'autres pays. Ce serait stupide. Mais, en termes de principe, il y a un système de protection sociale, il y a le fait syndical, et y compris le droit de grève. La moitié des salariés dans le monde ne sont pas protégés dans leur engagement syndical. Donc ça ne milite pas naturellement pour une reconnaissance des actions syndicales, voire à promouvoir l'engagement syndical. Oui, mais attendez, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les syndicats eux-mêmes, ou certains de leurs leaders, et de leurs discours, et de leurs méthodes. Non, après, que les syndicats, je me conviens tout à fait, je l'ai dit en son temps, et j'essaye de participer, de continuer à ma manière à participer à cette réflexion, que les syndicats aient aussi leur propre réflexion à mener pour coller à un salariat de fait beaucoup plus précaire et d'être mieux à même d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui ont le plus besoin de l'action collective, ce sont les plus démunis. Et à contrario, ce sont les moins engagés dans l'action collective. Donc une manière de préserver ses propres droits pour ceux qui en ont le plus, c'est d'aider à faire en sorte que ceux qui en ont le moins progressent à leur tour, parce qu'il n'y aura pas d'Eldorado, quelque part, qu'il soit professionnel, qu'il soit national ou continental, si partout ailleurs, c'est la précarité, le chômage qui domine. Alors, autre thème qui revient souvent dans l'observation du travail, des syndicats, des mouvements sociaux, regardez par exemple le trou de la Sécu. Aujourd'hui, il n'est pas totalement résorbé, mais ça va mieux. Il y a un bilan qui est bon de la part de ce gouvernement concernant la sécurité sociale, j'invente rien, ce sont des chiffres. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut parfois faire des efforts pour sauvegarder un modèle précisément ? Je reprends le discours de la droite au pouvoir à ce moment-là, mais aussi de la gauche quand elle est au pouvoir. Mais il existe ce discours. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, si... Parce que vous voyez, ça a marché pour la Sécu. Ça a marché, si on veut. Mais enfin, regardons aussi certaines dégradations. Il y a aussi des pathologies aujourd'hui. Nous serons de toute façon, qu'on le veuille ou non, condamnés à voir s'accroître les dépenses de santé. Compte tenu de l'espérance de vie progressant, par exemple. Ce seul facteur-là fait que mécaniquement, ou alors on décide qu'à partir d'un certain âge, pourquoi pas, on passe les personnes à l'échafaud. C'est une autre manière de résorber les déficits. Ce que je veux dire, c'est que je refais référence à l'anniversaire, la création de cette sécurité sociale, qui est née, il faut le rappeler, pendant l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, par le Conseil national de la Résistance, avec un certain nombre d'acteurs de droite, de gauche, politiques, syndicaux, qui imaginent les mesures à prendre pour redresser le pays une fois libéré. Ouais. Ils imaginent le dispositif de sécurité sociale. On peut parler d'utopie, on parlerait aujourd'hui d'utopie. S'ils avaient raisonné par le chiffre par le nombre. S'ils avaient conçu les mécanismes par le... Jamais la sécurité sociale serait née. Pourquoi le pays était complètement désœuvré, à la fois délabré dans son appareil de production. L'industrie avait été accaparée par les troupes d'occupation, avait été laminée, voire détruite par des bombardements. Bref, le pays était exsangue. Si on avait raisonné par le nombre, comme le font la plupart de nos décideurs aujourd'hui, jamais la sécurité sociale aurait été créée. Or, à l'inverse, tous les experts peuvent aussi convenir avec le recul que le seul fait d'avoir mis sur place, en œuvre, la sécurité sociale a contribué au redressement du pays sur le plan économique et sur le plan social. J'en reviens aux grèves de 95, bien que nous n'en soyons pas éloignés. 10 ans plus tard, il y a le référendum sur la Constitution européenne. Les Français disent non à une Europe qu'ils imaginent par trop libérale, voire ultra-libérale, peut-être même d'un déni de démocratie, quelque part. Est-ce que 10 ans avant, ce mouvement de 95, il est une sorte de matrice de ça? Ou est-ce que ça annonce ça? Est-ce que ça peut annoncer ça? Peut-être qu'on a, les suites, quelque part. Vous l'avez là aussi évoqué. On les a, à l'évidence, sur un plan politique, à l'occasion des législatives anticipées de 1997. Il est évident, de mon point de vue, peut-être que le président de l'époque, Jacques Chirac, ne l'avait pas perçu comme tel. Il recherchait plutôt, si on reprend ses propos, d'avoir une majorité confortable. Autrement dit, il redemande aux électeurs de lui donner un pouvoir pour de futures réformes. Et à l'inverse, il ne s'attendait pas, naturellement, à ce que la majorité à l'Assemblée change. Donc, on a cette suite. On peut supposer que, lors du référendum, des valeurs comme le service public, comme la solidarité, comme la question des déficits, de la démocratie. Qu'est-ce qui était reproché aussi dit, hein, en 95 Une élection présidentielle en mai, et puis arrivé en novembre, on tourne le dos du message politique avec lequel on s'est fait élire. Un éloignement des zones de pouvoir dans des mécanismes européens qui apparaissent de manière très floue. On veut décider sans que le peuple soit forcément au courant. Il y a cette crainte aussi d'une mécanique constitutionnelle européenne qui s'éloigne encore un peu plus des citoyens. Alors après, le drame, vous l'évoquez, le drame pour la vie politique, pour la démocratie tout simplement, c'est que nous sommes un des pays où il y a un référendum, on demande l'avis du peuple français, qui donne son opinion, quels que soient les avis que les uns et les autres ont pu développer. Chacun convient qu'il y a une formidable campagne avec un débat démocratique dans le pays, comme rarement on a pu avoir à l'occasion de cette consultation. Il y a un avis, et on se débrouille pour faire autre chose que ce que le peuple a exprimé. C'est un des éléments catastrophiques pour notre vie politique. Qu'est-ce que vous avez appris de ce mouvement, vous, de 1995, sur la vie syndicale, sur la place des syndicats dans une société? Qu'il ne faut jamais prédéfinir à l'avance ce qui peut se passer dans les événements. Il faut construire. Moi-même, je le dis avec recul. Pas surpris, parce que nous avions, c'est le fruit d'années de travail syndical. On a commis plusieurs publications, des livres d'analyse pour que ce genre d'expérience, non pas pour chercher à les reproduire, l'histoire ne se répète jamais deux fois de la même manière, dit-on, mais il y a quand même, de toute expérience sociale, voire de lutte syndicale, des expériences à en tirer, des points positifs comme des points qui peuvent apparaître négatifs. Donc, parmi les enseignements, c'est tout sauf le fruit du hasard. Certains pensent que ça a été une grève comme ça qui a débuté. Non, c'est le fruit d'une dizaine d'années de travail de terrain sur le plan syndical qui nous mettait en position de réagir le moment venu. Ça, nous le savions. Oui. Par contre, la détermination, l'ancrage, le soutien de l'opinion publique, c'est-à-dire cette résonance de ce que nous portions avec le reste des Français, nous ne pouvions pas a priori le décréter, et c'est ce qui me fait dire donc qu'il ne faut jamais rien prédéfinir à l'avance, qu'il s'agisse de l'action syndicale ou de l'action politique, vous voyez ce que je veux dire. Nous voyons, merci. Merci bien. Merci, Bernard Thibault, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les grèves de 1995 et l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.